بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل دراستنا في كتاب القواعد المثلى للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد Donc on va commencer, Inch'Allah, sans plus attendre, en implorant Allah Azza wa Jal qui nous accorde la sincérité à travers nos paroles et nos actions. Wa ma zilna fi dirasati al-qa'idati al-sadisa. Fi al-qa'idati al-sadisa. Donc on est toujours sur l'étude de la sixième règle. La sixième règle qu'a mentionné l'auteur. Donc là on est dans un sujet immensément important. Très important. C'est pour cela qu'on va s'étendre un peu et on va détailler le sujet comme il se doit. Pourquoi ? Puisqu'on est sur le sujet concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et concernant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que mentionne l'auteur « Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah » Man ahsaha dakhala al-jannah. Et on est toujours sur l'étude du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah détient 99 noms, c'est-à-dire 100 moins 1, comme il est mentionné dans une version. Celui qui les apprend, il rentre au paradis. Celui qui les apprend, il rentre au paradis. Et donc, dans la dernière assise, on avait appris que Al-Ihsa, qui est mentionné dans le hadith, Al-Ihsa, qila, kama qala al-sharih, إحصاؤها على ثلاثة أمور حفظها لفظا وفهمها معنا وتمامه أن يتعبد لله تعالى بمقتضاها وذكرنا هذا في الدرس السابق إذا نواصل الكلام فيما يتعلق بهذه المسألة فقلنا في هذا الحديث إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة أولا معنى الإحصاء أن يحفظها لفظا وقلنا هذا أولا وثانيا أن يفهمها معنا وثالثا من كمام ذلك أن يتعبد لله بمقتضاها وذكرنا معنى ذلك ثم قلنا أما تركيب الحديث بالجملة الثانية وهي قوله من أحصاها مرتبطة بالأولى وهي قوله إن لله 99 اسما فليست مستقلة وعلى هذا فلا يناقض هذا الحديث ما سبق لأننا لسنا الذين قلناه بل قاله أعلم الناس بربه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك وحينئذ لا يمكن أن يتناقض كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فلو جعلنا من أحصاها دخل الجنة مستقلة كما توهمه بعض العلماء لكان الحديث إن لله 99 اسما انتهت الجملة وانتهى مدلولها ثم عاد فقال من أحصاها أي 99 دخل الجنة ولكننا لا نقول بهذا المعنى قال الشارح ولكننا لا نقول بهذا المعنى إذ لو قلنا بهذا المعنى لبطل مدلول الحديث السابق وهو قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك وعلى هذا فيكون المعنى أن من أسماء الله 99 اسما من شأنها Donc ça, c'est ce qu'on avait appris dans la dernière assise. C'est ce qu'on avait lu dans la dernière assise. Donc on avait dit que l'auteur, dans cette sixième règle, nous enseigne que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se limitent pas à un nombre précis qu'on l'on connaît. Les noms d'Allah azzawajal, par exemple, ne se limitent pas à 99. Mais il y a des noms qu'Allah Jalla wa Ala, qu'il détient, subhanahu wa ta'ala, glorifié soit-il, dont on n'a pas la connaissance, qui nous ont pas été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans cette règle-là, l'auteur a mentionné, comme on a dit, deux récits. Il a mentionné deux récits, aussi bien le hadith de Abdallah ibn Mas'ud et ce récit-là, où il est mentionné que le prophète sallam a dit, Allah détient 99 noms, sans moins un, celui qui les apprend, il rentre au paradis. On avait dit, ce récit-là ne contredit pas le premier. Le premier hadith qu'a mentionné l'auteur, lorsque l'auteur mentionne le récit où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le doha qu'il a enseigné dans le hadith célèbre d'Abdallah ibn Mas'ud, lorsque le prophète disait, « Ô Seigneur, je te demande par les noms par lesquels tu t'es nommé, ou les noms que tu as révélés dans ton livre, ou bien que tu enseignes à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé auprès de toi. Donc les noms que tu as gardés auprès de toi, c'est-à-dire des noms qu'Allah Jalla wa'ala n'a pas révélés. Des noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas révélés. Et c'est ce qu'on a appris dans les dernières assises. Donc les noms d'Allah Azza wa Jalla se limitent pas à 99. Mais il y a 99 parmi ces noms que si on les apprend, celui qui les apprend, il rentre au paradis. C'est-à-dire le sens, les savants disent, il y a 99 noms parmi les noms d'Allah, celui qui les apprend, il rentre au paradis. Et donc là, on va essayer de rentrer dans le détail de la question. Le détail de la question, pourquoi c'est une question très importante puisque c'est lié au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans le texte, Shumra Thaymin, lorsqu'il mentionne le hadith, il dit, que ce hadith-là, inna lillahi tis'atan wa tis'ina, isman, man ahsaha, dakhal al-jannah. Qala fala yadullu ala hasli al-asma'i bihada al-adad, walau kana al-muradu al-hasl, lakanat al-ibaratu inna asma'a Allahi tis'atun wa tis'una, isman, man ahsaha, dakhal al-jannah, au nahwa dhalik. Idhan, fama'na al-hadith, anna hada al-adad, min sha'nihi, anna man ahsahu dakhal al-jannah. وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة أو جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتهم للصدقة فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة كما قال المصنف ثم دخل في مسألة تالية في مسألة ثانية لما قال المصنف ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء والحديث المروي عن تعيينها ضعيف تعيينها ضعيف وذكر كلام وسرد كلام الشيخ الإسلام في هذه المسألة في مجموع ابن قاسم قال تعيينها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بالحديث وذكر كلام ابن حجر في هذه المسألة وقال كما في الفتح ليست العلة عند الشيخان البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدريسه واحتمال الإدراج وسيأتي الشرح لهذا الكلام فيما يأتي بحول الله جل وعلا Donc nous on va continuer inchallah sur l'explication de cela. Entre autres, l'imam al-Nawawi, vous pouvez retrouver que l'imam al-Nawawi, dans son commentaire de l'authentique de l'imam Muslim, et vous savez que l'imam al-Nawawi a commenté tout l'authentique. Tous les hadiths qu'il y a dans l'authentique de l'imam qu'a compilé l'imam Muslim, l'imam Nawawi a fait le commentaire. D'autres savants s'y l'ont fait, mais le commentaire de l'imam Nawawi est très célèbre. Et c'est ce qu'on a déjà fait montrer et dont on avait allusion dans des assises précédentes, ces hadiths, les œuvres et les écrits de l'imam al-Nawawi se sont propagés dans le monde musulman d'une manière remarquable et d'une manière très étonnante. Et parmi ces livres connus, Al-Arba'in al-Nawawiya, comme on avait déjà mentionné, Riyad al-Salihin, comme on avait mentionné, et parmi les livres connus, Kitab al-Majmu', parmi les livres connus, Kitab al-Taqrib, parmi les livres connus, par exemple, ce livre-là, l'authentique, le Sharh de l'authentique de l'imam Muslim. Qala fihi, qala l'imam al-Nawawi fi Sharh Muslim, wa ta'ammalu wa rakkizu ala hadha al-kalam, qala, ittafaq al-ulama'u ala anna hadha al-hadith, ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء لا الإخبار بحصر الأسماء الإمام النووي ici, justement, explique le récit. Et lorsque dans l'authentique de l'imam Muslim, il va expliquer le récit, il dit, regardez bien, je vous traduis d'une manière relative, ce que dit l'imam Nawawi. Il dit, ittafaq al-ulama. Lui, il dit que les savants sont d'accord, se sont mis d'accord pour dire que ce hadith-là, laysa fihi hasr li asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith, le sens voulu, c'est pas de restreindre les noms d'Allah Azza wa Jal à un nombre 99. Le sens voulu n'est pas cela. L'imam Nawawi dit que les savants sont d'accord pour dire que le sens du récit, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, le sens n'est pas de restreindre les noms d'Allah Azza wa Jal qui sont marsoura à un nombre 99. C'est-à-dire que d'informer que les noms d'Allah Azza wa Jal sont au nombre de 99. Il dit, ce n'est pas ça le sens. Il dit, فَلَيْسَ مَعْنَهُ أَنَّهُ لَيْسَ أَسْمَاءُ اللَّهِ غَيْرَ هَدِهِ التِّسْعَ وَالتِّسْعِينَ. Le sens, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres noms, à part ces 99 noms. Ça ne veut pas dire ça. Mais il dit, وَإِنَّمَا مَقْصُودُ الْحَدِيثِ أَنَّ هَدِهِ التِّسْعَ وَالتِّسْعِينَ مَنْ أَحْصَاهَ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Mais le voulu de ce récit, le prophète, lorsqu'il a dit cela, le but, c'était de dire que Allah lui appartient, il détient 99 noms, celui qui les apprend, il rentre au paradis. C'est-à-dire que parmi ces noms, il y en a 99, que celui qui les apprend, il rentre au paradis. On avait même dit que dans la dernière assise, Cheikh avait fait une analyse, l'auteur, Cheikh Mullah Al-Thaymin, de la phrase. Et à la fin, il avait conclu en disant, lorsqu'il a dit que Al-Jumla min ahsaha dakhal al-Jannah fil hadith laysat mustaqilla, il a dit que c'est pas une phrase indépendante, puisqu'on pourrait comprendre, on pourrait dire que inna lillahi tis'atan tis'in isman, c'est une phrase jumla, certains diront hadihi jumla, si mettre point, ils disent que ça c'est une phrase indépendante, comme on l'avait expliqué. Ils disent Allah détient 99 noms, point. Min ahsaha dakhal al-Jannah, point. Là, ça veut dire ça. Et dit, Cheikh, il dit, فَلَوْ جَعَلْنَّ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ مُسْتَقِلَّةً كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ. Il dit, كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لَكَانَ الْحَدِيثُ إِنَّ لِلَّهِ 99 إِسْمَانِ. Il dit, comme certains savants, ils ont eu cette illusion. Ils ont pu comprendre ça, que la première phrase est une phrase indépendante, on l'avait expliqué hier, et la deuxième est une autre phrase indépendante. Or, les deux phrases sont liées. C'est pour ça qu'au-dessus, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, « Amma tarkibul hadithi fal jumlatu thaniyatu wa hiya qawluhu man ahsaha murtabitatun bil ula. Bil ula. Wa hiya qawluhu inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. » Les deux phrases sont liées. Il faut les lier. Si on les lit, voilà, si on les... La phrase, la première, elle est moustaqila, elle est indépendante. Et l'autre phrase, elle est indépendante. On dit, Allah détient 99 noms, point. Celui qui les apprend rentre au paradis. Alors là, on pourrait comprendre. C'est pour ça qu'il dit, فَلَوْ جَعَلْنَا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ مُسْتَقِلَّةً كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْدُ الْعُلَمَا. Comme certains savants, ils ont pu comprendre cela. Alors on pourrait comprendre cela. Mais il dit, le vrai sens, c'est que les deux phrases sont sont liés. Sont liés. De sorte que ensuite, si on lit, le sens serait وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِنْ شَأْنِهَا أَنَّ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ. Et donc il dit, c'est pour ça qu'on comprend du récit que le sens c'est que parmi les noms d'Allah, il y en a 99, celui qui les apprend, il rentre au paradis. On a dit, nous on traduit de manière relative, celui qui les apprend. C'est le sens de Men Arsaha. On a dit Arsaha, c'est plus vaste. C'est le fait de recenser quelque chose. Ici, c'est dans le sens trois choses. Hifduha, wa fahmuha, wa al-amal bimuqtadaha. Comme a dit le Sheikh. Il a cité trois choses. Fi al-Irsa. An yafhamaha ma'nan, wa awalan an yahfadaha lafdan. On reprend. Alors, maintenant on a compris le sens du récit. On a compris le sens du récit et on a vu que ce que nous enseigne Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymeen, ce qu'il nous a enseigné aussi, on peut le retrouver dans l'authentique de l'imam Muslim, c'est-à-dire dans le commentaire. Et c'est évoqué par l'imam al-Nawawi. C'est évoqué par l'imam Nawawi. Comme ça, au moins, vous avez un peu les références et les savants qui disent. Et les savants qui disent cela. Les savants qui disent cela. Il faut bien comprendre les paroles des savants. Et pour bien comprendre les questions, il faut avoir une bonne conception aussi des questions. Comme il est dit dans une parole, on avait déjà apprise. Al-hukmu ala shay far'un an tasawwuri. Al-hukmu ala shay far'un an tasawwurihi. On avait déjà appris cela. Le al-hukmu ala shay, pouvoir juger d'une chose, ça dérive de la bonne conception de la chose. Pour pouvoir juger d'une chose, il faut avoir la bonne conception de la chose. Et parfois, regardez, dans des questions de croyance. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a une jama'a. Une jama'a, par exemple, qui se nomme Jama'at al-Ahbash. Qui sont, Jama'at al-Ahbash, des négateurs des attributs d'Allah Azza wa Jal. Regardez, eux, Jama'at al-Ahbash, par exemple, ils se disent Ash'alites. Pour eux, ils s'affilient, ils adhèrent, yantasibuna ila al-madhhab al-Ash'ali. Donc ils se disent Ash'alites. Or, si vous comprenez le tarikh et comment a émergé al-madhhab al-Ash'ali, ce n'est pas possible qu'il soit Ash'ali. C'est tout à fait paradoxal. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que lamma zahara al-madhhab al-Ash'ali, lorsque le courant Ash'alite a émergé, lorsque la doctrine a émergé dans le monde musulman, eux, ils n'ont pas émergé. Et lisez l'histoire. C'est pas quelque chose de nouveau qu'on dit, c'est hada ma'ruf fi at-tarikh. Lorsqu'on émergeait le mouvement Ash'ali, on a dit qu'à la base, al-mu'assis, le fondateur, le grand imam, c'est Abul Hassan al-Ash'ali. Mais on a cité les trois étapes de sa vie. Il était au départ, ma la ila li'tizal, 40 sana min umrihi, 40 ans de sa vie. Ensuite, taraja'a. Ensuite, il est revenu de cela, de l'i'tizal. Ensuite, il a eu une phase, lorsqu'il est revenu de sa croyance de la doctrine de l'i'tizal. Pourquoi? Parce qu'on a pu, depuis tout jeune, il a appris auprès de son shir. Al-Jubba'i. Son grand shir, Al-Jubba'i. Qui était l'un des imams des Mu'tazilites en ce temps. Ensuite, au bout de 40 années, on dit Taraja'a. Il est revenu, mais il était dans une phase entre Al-i'tizal ou Madhabi Ahl Sunnah. Entre l'i'tizal ou Madhabi Ahl Sunnah. Il était entre les deux. Thumma fi l'akhir, wa Taraja'a ila Madhabi Ahmad ibn Hanbal. Yani ila Madhabi Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais des gens sont quand même restés sur cela et ont propagé cela au nom de l'imam al-Ash'ari. Et vous pouvez revenir dans certains livres où il est dit clairement, où l'imam lui-même, Abul Hassan al-Ash'ari, stipule qu'il est revenu vers le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Al-Muhim, qu'est-ce qu'ils font comprendre ? Ceux plus tard qui vont s'apparenter à l'imam Abul Hassan al-Ash'ari et qui vont propager le madhab al-Ash'ari, eux, est-ce que c'était pour réfuter Ahl al-Ithbat, les gens de la Sunna qui affirmaient les attributs d'Allah, ou bien lorsqu'ils sont apparus, ils sont apparus et ont réfuté ce qu'on appelle al-Mu'attila? Donc je vous pose la question, lorsque les Ash'arites ensuite ont émergé dans le monde musulman, est-ce que eux, ils ont réfuté les gens de la Sunna dans l'affirmation des attributs d'Allah, ou bien eux plutôt ils ont débattu et ont réfuté Ahl al-Ta'til, les négateurs des attributs? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque vous regardez leurs livres, lorsque vous allez dans le Talir, c'est stipulé, c'est fait de Talir, c'est dans leurs livres. Vous êtes d'accord? Revenez, vous allez voir, ils réfutaient Ahl al-Ta'til, ils réfutaient le Mu'attila. Le but, c'était pas de réfuter Ahl al-Sunna. Vous savez pourquoi? Parce que Al-Ash'ariya kanu yantasibuna ila Ahl al-Sunna. وكانوا يقولون نحن نثبت الصفات. Eux ils disaient nous on affirme les attributs, sauf que ensuite on وقعوا في التأويل. Mais pour eux كانوا يثبتون. Pour eux ils affirmaient. Donc الأشاعرة لما ظهروا ردوا ردا قويا على أهل التعطيل. Ils ont vraiment réfuté les gens de la négation. Et jusqu'à ce que pendant un moment donné ils disaient regardez c'est nous qui réfutons أهل التعطيل والمعطلة. Et c'est pour ça, ensuite, le courant, la doctrine ash'arite, s'est propagée dans le monde musulman. Mais eux n'adhéraient pas. وَلَمْ يُوَافِقُوا مَذَهَبَ التَّعْتِيلِ وَالْمُعَتِيلَ. Et eux, en aucun cas, ils étaient d'accord avec les négateurs. Ils étaient d'accord avec les négateurs. De ce fait, vous pouvez trouver que Al-Ash'ariya ne réfutait pas les gens de la Sunna. Sauf qu'ils ont divergé avec les gens de la Sunna dans leur manière d'affirmer, puisque eux se disaient affirmer les attributs d'Allah. لكن اختلفوا مع أهل السنة والجماعة في معنى الإثبات. Comment ils affirmaient? C'est pour ça que même pendant un moment, de grands imams, ils ont considéré Al-Ash'ariya comme من أهل السنة والجماعة. Certains savants l'ont considéré. Et beaucoup de savants ensuite ردوا على هؤلاء وقالوا لا. ليسوا من أهل السنة والجماعة. Tellement qu'ils sont proches. وهم أقرب الطوائف. Et eux, c'est la taïfa, c'est le groupe le plus proche des gens de la Sunna. Donc eux, s'ils réfutaient Ahl al-Ta'til, si eux réfutaient les négateurs, comment Jama'at al-Ahbash peuvent se dire Ash'arite? Puisque هؤلاء معطلة. Eux sont des négateurs. La preuve, s'ils disent, on n'est pas négateurs. Taïb. من قال أين الله. Celui qui dit Aïn Allah, qu'est-ce qu'ils disent? Kufrun. Hada kufr. Andahum kufr. Law qulta inna Allah istawa ala arshi, fahada kufr andahum. Walaw athbatta sifatul ulu lillahi azza wa jal, si tu affirmes l'attribut de l'élévation pour Allah subhanahu wa ta'ala, fahada kufrun andahum. Pour eux, c'est même pas une hérésie. Enfin, c'est une hérésie, mais mécréance. C'est une mécréance. Tu sors de l'islam. Tu n'es plus musulman pour eux. Jamais les Ash'arites n'ont dit cela. Les Ash'arites n'ont pas dit cela. Ceux qui disaient cela, c'est le Jahmiya. Ceux qui sont allés dans l'extrême de la négation comme celle-ci, à la manière de Jama'at al-Ahbash Bihadi al-Ayyam, c'est Jama'at al-Jahmiya. Donc, on comprend qu'en aucun cas, Jama'at al-Ahbash sont Ash'arites. Ils ne sont pas Ash'arites. Vous allez me poser la question, pourquoi lorsqu'ils se disent Ash'arites? Parce qu'en fait, ils ont pris, Jama'at al-Ahbash, c'est un peu un mélange, un mix, une compilation de différentes innovations, différentes hérésies. De sorte qu'ils ont pris une partie du madhab al-Ash'ari, dans le fait qu'ils disent nous confirmons 13 attributs, mais aussi, ils ont pris une partie de la croyance de al-Jahmiya, fi ta'til al-sifat, ils ont du tashayyu'. Ils ont du tasawwuf, puisqu'ils disent qu'ils peuvent prendre les saints ou l'awliya, ils peuvent faire ce qu'on appelle le tawassul bil amwat ou l'awliya, ils disent cela. Donc ils ont du tasawwuf, ils ont du tashayyu, ils ont même une jama'at al-khawarij. Ils ont même pris deux jama'at al-khawarij dans le takfir al-muslimin, dans le fait de faire l'anathème et d'excommunier les musulmans de l'islam. Vous avez vu, ils ont de tout. Ils ont pris un peu, ils ont même de l'i'tizal. Ils ont même de l'i'tizal. Et ils ont bien plus encore. Donc en aucun cas ils sont ash'arites. Et la preuve c'est que al-ash'ari'a, eux, réfutaient al-ta'til. Est-ce qu'aujourd'hui Jama'at al-Ahbash réfute al-ta'til? Al-ta'til, c'est les négateurs des attributs. Al-ash'ari'a, lorsqu'ils ont émergé dans le monde musulman, regardez leurs livres, les anciens livres, ils réfutaient les négateurs des attributs. Est-ce que Jama'at al-Ahbash aujourd'hui réfute les négateurs des attributs? Non? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'aujourd'hui Jama'at al-Ahbash réfute les négateurs des attributs ou ils réfutent ceux qui affirment les attributs? Ils font quoi? Mahdi. Mais c'est quoi ce qu'ils font beaucoup? Ils répondent à qui? Ce qui est connu? À ceux qui affirment les attributs, à le sunna, ou bien ils réfutent les négateurs? Voilà, ils réfutent les gens de la sunna, ceux qui affirment les attributs. Al-Ash'ari'a ne faisait pas ça. Al-Ash'ari'a ne faisait pas ça. Au contraire, Al-Ash'ari'a, eux, lorsqu'ils ont émergé, ils réfutaient les négateurs des attributs. Fa'a'oula laysu min al-Ash'ari'a. Eux, en réalité, ne sont pas des Ash'arites. Tayyib. Et ça, c'est très important de le comprendre. Al-Muhim, on revient sur le sujet. Alors, dans un très beau livre, dans un commentaire, je vais vous faire profiter justement d'une sheikha. On avait déjà parlé du commentaire d'une sheikha qui a commenté justement, enfin qui a fait un commentaire de l'Qa'ud al-Muthla, la sheikha Kamila al-Kawari, comme on avait déjà cité. Et elle a un commentaire, on avait dit de Sharh al-Qa'ud al-Muthla, qu'elle a pris al-Mujalla. Al-Mujalla fi Sharh al-Qa'ud al-Muthla. Fi sifatillahi wa asma'illahi al-husna. Donc elle a commenté. Et Ajib, son commentaire est vraiment, vraiment très, très pertinent. Ajib, il y a des fawa'id fi hadha al-kitab Ajib. Fi al-aqida, wa fi al-asma' wa sifat, wa fi hadha al-bab, fi fawa'id. Et justement, elle va mentionner l'avis des savants et les questions sur la question des noms d'Allah Azza wa Jal et l'avis des ulama sur ça. Et je vais vous faire profiter un passage avant qu'on rentre dans une autre question importante concernant le récit, concernant le hadith. Donc elle va dire fi mulhaq al-qa'idat as-sadisa, donc elle cite des ba'd al-masa'il, des questions, et elle dit awalan hal asma'ullah mahsura, est-ce que les noms d'Allah Azza wa Jal sont restreints à un nombre précis? Et donc elle va résumer la question. Et donc, elle va citer deux avis chez les savants. Deux avis chez les savants. القول الأول أن أسماء الله ليست محصورة بل أسماء والصفات استأثر به في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. لا يعلمها غيره. Premier avis, c'est l'avis des savants qui considèrent que les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont pas restreints à 99. Allah n'a pas que 99 noms, mais il en a plus. Ça, c'est l'avis que Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymeen mentionne dans le Qawaid al-Muthla. On a dit aussi l'avis de l'imam al-Nawawi dans son commentaire de Sharh al-Muslim. Cet avis-là, huwa qawl jamahir ahli al-ilm. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. La majorité des savants considèrent cela. Donc, c'est pas quelque chose tafarrada bihi الشارح أو المصنف شيخ محمد بن صالح العثيمين لم يتفرد به بل قاله جماهر العلماء. regardez, وهذا قول جماهر أهل العلم كالخطابي والقرطبي والقاضي أبي بكر ابن طيب وابن العربي والرازي وابن حجر وغيرهم كما ذكره محمد تقي العثماني في تكملة فتح الملهم على شرح مسلم. Et ça, c'est dit dans un autre commentaire. Dans un autre commentaire de l'authentique de l'imam Muslim. Pourquoi ? Parce qu'il y a un homme qui s'appelait, un savant qui s'appelait Mohammed Taqi al-Uthmani, qui a fait justement un commentaire. بل حكى النووي الاتفاق على أن اسم الله تعالى ليست محصورة في شرح صحيح مسلم. Et on a vu même que l'imam al-Nawawi, il a carrément mentionné un accord chez les savants. Et non, là c'est cité ici, mais nous on l'a vu. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de le vérifier, puisqu'on l'a lu précédemment. On a lu précédemment l'avis de l'imam Nawawi qui mentionne « Ittafaqa ahlul ilm fi hadhihi al-masala ». Wa qala al-shaykh al-islam fi al-fatawa, wa qad mada salaf al-umma wa aimmatuha ala hadha al-qawl. Et lui, Cheikh al-Islam Taymiyyah, il dit, comme cela c'était connu chez les salafs avant, chez les pieux prédécesseurs, qu'ils adoptaient cet avis-là. Pourquoi on stipule bien ça? C'est pour que vous sachiez que ce que dit Cheikh Mohammed ibn al-Saymin, c'est pas lui qui le dit seul. Mais c'est vraiment l'avis de une grande partie, la majorité des savants. Majorité des savants. C'est dit par les savants contemporains et c'est dit par des savants anciens. Wa adillatu hadha al-fariq wal adilla. Et les preuves concernant cela, al hadith alladhi istadalla bi al-mu'allif wa anna Allah ista'thara fi ilm al-ghayb 'indahu asma wa al-hadith ja'ala asma' Allah thalathata aqsam kama dhakarahu ibn al-qayyim fi bada' al-fawa'id. Et donc les preuves de ces savants, c'est le hadith qu'on a mentionné, l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Allahumma inna as'aluka بكل اسم هو لك سميت به نفسك. Je t'implore, je te demande par tes noms, tes plus beaux noms par lesquels tu t'es nommé. أو أنزلته في كتابك, ou que tu as fait descendre dans ton livre, ou bien que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé auprès de toi في علم الغيب عندك, dans la science de l'inconnu. Ce hadith-là, Ibn al-Qayyim, dans, vous avez vu le livre Bada' al-Fawa'id d'Ibn al-Qayyim, il dit donc, on comprend que les noms d'Allah Azzawajal sont de trois catégories. Les noms d'Allah Azzawajal, Ja'ala asma'Allah thalathat aqsam. Ja'ala asma'Allah thalathat aqsam. Qismun samma bihi nafsa fa'adharahu liman sha' min malaikatihi wa ghayrihim wa lam yunzil bihi kitab. Un qisme, une catégorie premièrement, Allah Azzawajal, ces noms-là par lesquels il s'est nommé. Ces noms-là par lesquels il s'est nommé et dont il les a fait connaître à qui il veut parmi ses serviteurs, par les anges et autres, lakin lam yunazzil ou lam yunzil bi kitab. Ou bien, par contre, là il n'a pas fait descendre un livre. C'est pas forcément dans un livre. Wa qismu anzala bi kitabahu. Deuxième qisme, deuxième catégorie, des noms qu'Allah Azzawajal a fait descendre, qui sont mentionnés dans ses livres, et par lesquels ses serviteurs peuvent le connaître. Un qisme, et le troisième, c'est les noms qu'Allah Azzawajal a gardés auprès de lui, n'informé personne. Ista'athara bihi fi ilmi ghaibi falam yattali alayhi ahadun min khalqihi. Et personne parmi ces créatures en ont la connaissance. Et vous avez une très belle faïda de Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim istadalla hada, cette déduction là min hada al-hadith qala wal hadith ja'ala asma Allah thalathata aqsam. Thalathata aqsam. Ça c'est une très belle déduction d'Ibn al-Qayyim. Donc première preuve, c'est ce hadith. Mais ils ont d'autres preuves. Ensuite, ils ont des déductions. Par exemple, deuxième preuve, مِمَّا يُسْتَدَلْ بِهِ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. La partie أنت كما أثنيت على نفسك والشاهد من هذا الحديث وقولوا لا أحصي ثناء عليك. Dans ce hadith, vous avez vu lorsque le prophète Zem invoqué Allah dans une invocation en disant Allahumma inni a'udhu برضاك من سخطك. Ce hadith-là jusqu'à la fin, où il dit وَبِكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ. Et le prophète dit, je ne peux pas recenser, dénombrer toutes les éloges qui t'appartiennent. Traduction relative. أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. Et il dit à son Seigneur, tu es comme toi, tu t'es décrit, ou comme toi tu أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. Et là, les savants, ils ont dit, cette partie-là, لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ. Je ne peux pas restreindre les éloges ou recenser toutes les éloges, dénombrer toutes les éloges qu'on puisse faire à Allah Azzawajal, comme disait le prophète, sam, traduction approximative. Ça, les savants disent, regardez, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit dans l'explication de cela, فَأَخْبَرَ أَنَّهُ صَلَّى لَا يُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ. Donc le prophète, il dit qu'il ne peut pas recenser, dénombrer toutes les louanges et les éloges qu'Allah Azzawajal en réalité détient. Ça veut dire, c'est le prophète fait les éloges d'Allah Azzawajal, mais on peut faire les éloges d'Allah, faire les louanges d'Allah, mais quoi qu'on dise, on n'atteindra jamais ce que mérite Allah Azzawajal comme éloge. Tellement elles sont, les louanges d'Allah, les éloges d'Allah sont immenses. Regardez, le prophète Sam disait La uhsi thana'an 'alayk. Et là, Cheikh Ibn Taymiyyah, regardez qu'est-ce qu'il dit. وَلَا أُحْصِيَ أَسْمَاءُ لَا أُحْصِيَ صِفَاتُ كُلُّهَا. C'est عجيب. هذا استدلال العلماء. Regardez ce que dit Cheikh Ibn Taymiyyah. Il dit pourquoi ? Parce que si on aurait recensé tous les noms d'Allah, on aurait pu recenser toutes les éloges. Si on aurait tous les noms d'Allah, on pourrait faire toutes les éloges. Mais le prophète, il n'a pas tous les noms. Il n'a pas tous les noms. Donc, il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, voilà, il dit, donc là, le prophète Sam a dit, La ursi thana'an alayk. Fakana yursi thana'an alayk li anna sifatihi innama yu'abbar anha bi asma'ihi. Bi asma'ihi. Ils ont aussi déduit, parce que là, je vais faire vite pour qu'on puisse avancer. Ils ont aussi déduit du hadith al-shafa'a, le hadith de l'intercession. Hadith al-shafa'a, de l'intercession. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant que Allah azza wa jalla lui donne la permission d'intercéder, le prophète, il va faire les éloges d'Allah azza wa jalla. Les éloges d'Allah. Ensuite, quand il va faire les éloges d'Allah azza wa jalla, ensuite là, Allah Azza wa Jal lui donnera la permission, comme c'est rapporté dans le Bukhari. قال ابن القيم في بدع الفوائد Et l'Ibn Qayyim confirme que ces éloges que fait le prophète, c'est lié avec les noms. C'est lié avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pardon. Al-Muhim, ensuite il y a différentes déductions des savants, et là il y a la mention de différentes preuves sur lesquelles il se base. Sur lesquelles il se base. Thumma qila fi hadha al-bahth al-qawl al-thani. Ensuite il y a un deuxième avis. L'avis de ceux qui ont dit Anna asma Allahi mahsura bi'adadin mu'ayyan. Bi'adadin mu'ayyan. Il y a ceux qui ont considéré que les noms d'Allah Azza wa Jal sont restreints à un nombre précis et défini. Il y a un nombre précis et défini. وَاخْتَلَفُوا فِي عَدَدِهَا عَلَىٰ أَقْوَالِ. Mais ceux qui ont vu qu'il y a un nombre précis, ils ont divergé sur le nombre. Cet avis-là ne dit pas seulement 99. Ne dit pas seulement 99. Il y en a, ils ont dit 1000. Il y en a, ils ont dit 1000. Il y en a, ils ont dit 1000. 2000. Regardez. قَالَ القول الثاني أن أسماء الله محصورة بعدد معين واختلفوا في عددها على أقوال من يقول إن أسماء الله مئة فقط وبه جزم السهيلي certains ont dit 100. C'est l'avis de السهيلي. ومنهم من قال إن لله ألف اسم. Certains ont dit 1000 noms. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ اسْمٍ. Et certains ont dit qu'Allah Azzawajal a 4000. 4000 noms. Elfun la ya'lamuhu illallah. Et ils ont dit, par contre, parmi ces 4000, il y en a 1000 que seul Allah Azzawajal connaît. Wa elfun la ya'lamuhu illallah wa malaikatuhu. Et 1000 autres que seul Allah et ses anges connaître. Wa elf la ya'lamuhu illallah wa malaika wa anbiya. Et 1000 autres que seul Allah, les anges et les prophètes connaissent. Wa amma al-alf ar-rabi' fa inna al-mu'minina ya'lamunahu. Et les autres 1000 qui restent sur 4000, les autres 1000 qui restent, c'est les croyants. Les croyants les connaissent. Et ils disent fa amma al-alf ar-rabi' fa inna al-mu'minina ya'lamunahu fa 300 minhu fi at-Tawrah wa 300 fi al-Injil wa 300 في الزبور ومئة في القرآن وتسعة وتسعون منها ظاهرة واحد مكتوم. Ils disent, j'ai vu dans ces gens qui ont dit 4000, donc 1000 que seul Allah connaît, 1000 que seul Allah et ses anges, les autres 1000, seul Allah et ses anges connaissent, les autres 1000, seul Allah, ses anges et ses prophètes connaissent, et les autres 1000, le reste, seuls les croyants, enfin pardon, pas seuls, les croyants les connaissent. Sauf qu'ils disent, parmi ces 1000-là que les croyants connaissent, il y en a 300 qui sont dans la Torah, ils disent, et 300 fait l'Injil, dans l'Évangile, et ils disent, et 300 fait Zabur, et 1000 fait le Coran, et ils disent 100 dans le Coran, et 100 dans le Coran, Watisa'a, et 99 minha zahira wa wahid maktoum. Et parmi ceux-là, 99 sont apparents et il y en a un qui est caché. Il y en a un qui est caché. Et certains, donc ça c'est le deuxième avis de ceux qui disent il y a un nom précis et défini, et certains ont dit an al asma 99 ou 99 isman faqat la yahillu li ahad an yazid 'alayha wa huwa qawl ibn hazm. Et d'autres ont dit 99. Et personne n'a le droit de rajouter à cela. Et ça, c'est ce qui est rapporté de l'avis de Ibn Hazm dans son livre Kitab Al-Muhalla. Dans son livre Kitab Al-Muhalla. Wal-Faïda, ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح. وابن حزم ممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكور وهو لا يقول بالمفهوم أصلا ولكنه احتج بالتأكيد في قوله صلى الله عليه وسلم 100 إلا واحدة قال لأنه لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لازم أن يكون له 100 اسم فيبطل قوله 100 إلا واحدة وهذا الذي قاله ليس بحجة على من تقدم أو على ما تقدم وإن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها فمن ادعى أن الوعد وقع لمن أحصى زائدا على ذلك فقد أخطأ انتهى كلامه رحمه الله يعني كلام الحافظ بن حجر ولا شك أن الصواب هو قول الجمهور وقد ذكرنا الأدلة على ذلك et ça c'était من باب الفائدة sinon là, il n'y a pas de doute que l'avis le plus juste c'est l'avis de la majorité des savants. Donc ce que nous enseigne Cheikh Ibn Uthaymeen dans Qawaid al-Muthla, c'est pas un avis isolé, c'est l'avis de la majorité des savants. C'est l'avis qui est défendu par l'imam al-Nawawi, par Hafidh ibn Hajar, et par de grands savants, comme l'a dit l'imam al-Qurtubi, par exemple, comme on l'a cité précédemment, et d'autres grands savants. Donc c'est l'avis de Jamahir al-Ulama, et c'est l'avis le plus juste. Jamahir al-Ulama. Ceux qui considèrent que c'est restreint à un nombre, regardez, c'est pas seulement 99. Certains ont 10 000, 2 000, mais Allahu A'lam, mahi al-adilla. C'est quoi les preuves sur quoi ils se basent? Allahu A'lam. Je sais pas, je connais pas les preuves sur lesquelles ils se basent, mais la shak anna sawab wa qawl al-jumhur wa qad dhakarna al-adilla ala dhalika. Donc en réalité, le sujet est atoul. Le sujet est plus long. On pourrait continuer encore à évoquer les preuves concernant cela, toutes les preuves et les déductions des savants concernant le fait qu'on ne peut pas restreindre les noms d'Allah Azza wa Jal à un nombre bien précis. Donc vous avez vu ce que nous enseigne Cheikh Ibn Uthaymeen, derrière il y a de grandes fawaïd. Il y a de grandes fawaïd. Ensuite, on devait reprendre maintenant, après avoir cité cette question, puisque c'est le titre du chapitre, lorsque l'auteur dit « Les noms d'Allah exaltés ne se limitent pas à un nombre bien défini ». Et c'est très c'est pertinent que cette qaïda l'a mentionné après la qaïda al-khamisa. La qaïda al-khamisa kanat fi anna asma Allah ta'ala tawqifiyya. Tawqifiyya, comme on l'a appris dans le cours dernier. Maintenant, sur quoi on s'est arrêté, qu'on devait reprendre une masala aussi très importante. Est-ce qu'on a un hadith où le prophète maintenant c'est les noms, les 99 noms que nous, on connaît. Nous, on dit qu'il y en a plus. Enfin, nous, les savants, les grands savants de l'islam, disent que, en fait, il y en a plus que 99. Le hadith dit, il y en a 99. Si on les apprend, on rentre au paradis. Al-hifz, wal-fahm, wal-amal bi-muqtada'a. Trois choses. Si on les apprend, on rentre au paradis. Mais ils disent, il y en a d'autres. Combien? Allahu a'lam. C'est quoi ces noms qu'on ne connaît pas? Wallahu a'lam. Al-kammiya, on ne sait pas. Wal-ta'in wal-ayn al-asma, la nadri. Allahu a'lam. Wal-kammiya, kadhalika, la na'lam. On ne sait pas. On ne sait pas. Tellement que c'est important, donc, ces 99 noms, par contre, ils sont. Fil-kitab et wa-sunna. Pourquoi? Parce que comme il nous l'a appris dans le qa'id al-khamisa, c'est très important. Fil-qa'id al-khamisa, il a dit, ana asma Allahi ta'ala tawqifiyya. وهذا قول مذهب أهل السنة والجماعة أهل السنة pour nous les noms d'Allah sont tawqifiyya la majala lil aql fi hadha al bab dans ce domaine là l'aql ne rentre pas dans les noms d'Allah azza wa jalla on peut pas dans ce domaine là la raison humaine n'a pas de place donc si c'est tawqifiyya ça veut dire on les trouve dans al kitab wa sunna et c'est ce qu'on a dit Cheikh Ibn Uthaymeen maintenant on va prendre la liste Cheikh Ibn Uthaymeen va sortir tous les noms qu'il a trouvés dans le Coran et il va aussi tous les noms, il va les chercher. Il va les chercher dans la Sunna. Sauf qu'il va faire une recherche sur les hadiths. Pourquoi? Parce qu'on peut les sortir que de hadiths authentiques. À la base de hadiths authentiques. Et mashallah, il va faire l'effort de chercher comme d'autres savants l'ont fait aussi. Et c'est pour ça, là, il va nous faire la liste. Il va nous donner la liste des 99 noms qu'il a trouvés dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'avant, il traite une question très importante. C'est vrai. Lui, Shir, et comme d'autres savants aussi l'ont fait, il est parti chercher. Mais est-ce qu'on a un hadith, par exemple, qui les mentionne tous, vu l'importance? L'importance de mémoriser ces 99 noms, et celui qui le fait rentre au paradis. On a dit qu'il y a des récits. Sauf qu'ils ne sont pas authentiques. Ils ne sont pas authentiques. Donc c'est pour ça, pour beaucoup de savants, en fait, ça remonte pas jusqu'au prophète. Ça remonte pas jusqu'au prophète. Donc si on dit, il n'y a pas de hadith, vous comprenez, c'est relatif. Il y a des hadiths, mais ils sont da'if. Il n'y a pas de hadith, dans le sens, ça s'entend authentique. Où le prophète, par exemple, a mentionné, comme s'il aurait listé les 99 noms. Comme s'il aurait listé les 99 noms. Ça, on n'a pas. Sauf que c'est un débat. C'est ça que explique Shir d'abord. Avant de commencer l'énumération des noms qu'il a trouvés, déjà cette question-là. C'est pour ça, regardez, il fait allusion à cette question. C'est la dernière chose qu'on devait traduire et bien expliquer. Vous voulez qu'on le fasse, qu'on commence maintenant ou on remet ça? On commence un peu maintenant, la traduction de ce qu'on avait commencé à lire hier. Taïb, puisque là on va rentrer filam al-hadith. On sera obligé de rentrer dans ce qu'on appelle mustalah. Al-Hadith, pour savoir est-ce que vraiment on a un hadith authentique. Imaginez-vous, si un hadith authentique, vous n'avez qu'à mémoriser le hadith. Puisqu'il y aurait les 99 noms qui sont listés. Tahfad al-Hadith wa tahfad al-Asma. Kullaha. At-Tisa wa At-Tisa'in. Et c'est pour ça que les ulama, ils ont cherché. Il y a des textes. C'est pour ça, regardez, il fait allusion et dit. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. Il dit, donc il dit, il n'y a rien d'authentique. Et ce qui est mentionné Les hadiths qui sont mentionnés, ils sont faibles. Les hadiths, ils sont faibles. Et pour, on avait dit, pour prouver cela, pour appuyer cela, il va appuyer cela avec la parole de Cheikh Ibn Taymiyyah qui dit que tous les connaisseurs de cette science-là, de l'aïm al-hadith, sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas de hadith authentique. Regardez, on parle de Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit « وَتَعْيِنُهَا لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِحَدِيثِ » Ça, c'est la parole de Cheikh Ibn Taymiyyah. C'est vrai que c'est un beau résumé. C'est une très belle parole à apprendre. C'est une très belle parole. Dans Majmu' al-Fatawa, il dit « وَتَعْيِنُهَا » Le fait qu'elle soit citée, qu'il soit cité, ses noms, وَتَعْيِنُهَا لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ne fait pas partie de la parole du prophète en بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ. Pourquoi? Parce que, de même, ouais, Ibn Hajar aussi va mentionner cela, ils disent qu'il y a un homme qui s'appelle Al-Walid. Il est seul, il s'est isolé dans la mention et la narration et la transmission de cela. Il s'appelait Al-Walid ibn Muslim. Al-Walid ibn Muslim, cet homme-là est seul à rapporter cela. Et justement, dans certains buhuth qu'ont fait certains dans certaines éditions, une ancienne édition justement de Al-Qa'id al-Muthla, une ancienne édition de Al-Qa'id al-Muthla où il y a des ta'liqat, dans certaines annotations de Al-Qa'id al-Muthla, justement, il y a un bahth, il y a une recherche sur ça, où il est dit « فَالْحَدِثَ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ ذَلِكَ وَحَدِثَ التِّرْمِذِي » Premièrement, vous pouvez retrouver dans ce hadith-là où il y aurait « التَّعِين » Vous pouvez retrouver cela dans « التِّرْمِذِي » Dans « التِّرْمِذِي » روى الأسماء الحسنى في جامعه من حديث الوليد ابن مسلم هذا الرجل هذا الراوي الوليد ابن مسلم donc dans Tirmidhi vous retrouvez dans son jami' vous retrouvez le récit. C'est pour ceux qui veulent faire des recherches, ceux qui veulent faire des recherches. Et là vous allez retrouver que le hadith est de cet homme là Al-Walid, cet homme qui s'appelait Al-Walid ibn Muslim, fils de Muslim. Et ce qui est pertinent dans le bahth, on peut remonter la chaîne de transmission. On peut remonter la chaîne de transmission. Pourquoi? Parce que, regardez dans la parole qu'a mentionné Cheikh Ibn Taymiyyah de Cheikh Ibn Taymiyyah. Il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah ne va pas détailler, mais regardez ce qu'il dit. Qala qabla dhalika, innal walida dhakaraha an ba'di shuyukhihi shamiyin, kama ja'a mufassiran, ou mufassiran fi ba'di turuqi hadithi, intaha kalamu. Cheikh Ibn Taymiyyah, avant de dire, تعيينها ليس من كلام النبي باتفاق أهل معرفة بالحديث. Avant de dire que la détermination, vous savez, lorsqu'il dit التعيين, il va le dire la détermination, si on peut dire de la sorte. C'est-à-dire le fait que les noms, tous les noms soient déterminés. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عين الأسماء كلها التسعة والتسعين. هل عند الحديث؟ Cheikh Ibn Taymiyyah يقول ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. C'est dit dans un récit, mais lui il dit c'est pas de la parole du prophète. Pourquoi? Parce que c'est daïf. C'est faible. Et regardez, avant qu'il dise ça, que c'est connu chez les grands spécialistes dans la matière, Cheikh Ibn Taymiyyah, il fait allusion à cet homme. C'est-à-dire, même s'il ne détaille pas, mais on voit que Cheikh, il sait de quoi il parle. Puisque regardez ce qu'il va dire. Innal Walid, zakara al-mardi shuyukh et shamiyin. Il dit, c'est cet homme, Al-Walid, qu'il a mentionné d'après ses maîtres. Ses maîtres, c'était des maîtres de ulama du Sham. Ulama du Sham, al-Shamiyin, des ulama de la région du Sham. Et justement, le Hafid ibn Hajar, de même, il va faire allusion à cela. Il dit, وَلَيْسَتْ عِلَّةُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنَ الْبُخَارِ وَمُسْلِمْ تَفَرُّدَ الْوَلِيدْ فَقَطْ. Et comme on va voir, Ibn Hajar, il va dire, et le fait que les savants n'ont pas pris la narration de l'Walid, pourquoi les savants, en fait, n'ont pas pris la narration, la transmission de cet homme, Al-Walid ibn Muslim. Et Al-Hafid ibn Hajar, il dit, ce n'est pas seulement parce qu'il est le seul, il s'est isolé dans la narration, il est le seul à rapporter cela. C'est pas pour ça. On va voir, Shir va bien détailler ça, pourquoi? Parce qu'il faut savoir, est-ce qu'en fait, on peut prendre de ce qu'a narré Al-Walid, cet homme, ibn Muslim, ou non? Et là, on va se faire un avis. Et vous allez voir, là, moi, je vais vous faire partager ça, pourquoi? Pour qu'on ait un peu un avant-goût sur les recherches dans la science de hadith. Parce que des fois, on parle de hadith, mais on n'a pas de... Là, on a un exemple pratique, comment les savants ont fait des recherches dans la science de hadith. Et vous allez voir là, comment les savants sont objectifs et justes dans leur jugement concernant les récits. Là, on va voir un exemple. Donc, d'abord, revenir à cette chaîne de transmission. Effectivement, on la retrouve dans une recherche, justement, on retrouve justement la chaîne de transmission. Donc, la chaîne de transmission, c'est laquelle ? C'est, comme je vais vous la dire là, la chaîne de transmission, c'est min hadithi, c'est le hadith de Walid ibn Muslim. Walid ibn Muslim, cet homme-là, qui rapporte d'après un homme, an Shuaib, an Abi Zannad, an al-A'raj, an Abi Huraira. Donc il y a une première chaîne de transmission. C'est le Walid ibn Muslim qui rapporte d'après Shuaib, d'après un homme qui s'appelait Shuaib, d'après un autre qui s'appelait Abi Zannad, d'après un autre qui s'appelait Al-A'raj, et Al-A'raj il rapporte directement d'après Abu Huraira dans cette chaîne de transmission. Rawaha ibn Majah. Et lorsqu'on recherche encore, on retrouve que Ibn Majah aussi dans les Sunan, il le rapporte. Ibn Majah, il le rapporte. Fi Sunani min tariq Makhlad ibn Zayyad. Min tariq Makhlad ibn Zayyad. Sauf que Ibn Majah, lui, il rapporte d'après une autre voie. D'après la voie de Makhlad, un homme qui s'appelait Makhlad ibn Zayyad. Ibn Zayyad qui lui rapporte d'après un homme qui s'appelait Hisham ibn Hassan. D'après Hisham ibn Hassan, qui lui rapporte d'après le célèbre, le grand imam Mohammed ibn Sirin. Vous rappelez, hein, le grand imam Mohammed ibn Sirin, l'auteur de la parole, la célèbre parole, « Inna hadha l'ilmu dinun, fanzuru an man ta'khudhu dinakum » Mohammed ibn Sirin. Et Mohammed ibn Sirin, « An Abi Huraira » An Abi Huraira. Donc on a, là dans ce bahth là, dans cette recherche là, on a ces deux chaînes de transmission. Min hadith al-Walid ibn Muslim, an Shu'aib, an Abi Zannad, an al-A'rash, an Abi Huraira. Wa fi Sunan ibn Majah, min tariq Makhlad ibn Zayyad, an Hisham ibn Hassan, an Muhammad ibn Sirin, an Abi Huraira. An Abi Huraira. Donc on a ces deux chaînes de transmission. ماذا قال العلماء؟ Qu'est-ce que les savants ont dit sur ces deux chaînes de transmission؟ وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Et il y a des savants qui ont dit sur ces deux chaînes de transmission, ils ont dit en fait, beaucoup de savants, des spécialistes du hadith, sont d'accord, s'accordent pour dire, des spécialistes en la matière, que ces deux ces deux versions-là, Laysa min kalam nabi, ne font pas partie de la parole du prophète. Pour eux, ils ne sont pas authentiques. Pour eux, ce n'est pas authentique. Wa innama kullu minhuma min kalam ba'd as-salaf. Mais pour eux, ça, en fait, ça fait partie de la parole de salaf, de pieux prédécesseurs. Wa laysa min kalam nabi, ça, ça. Mais ce n'est pas la parole de nabi. Qala fal walid dhakara an ba'd shuyukhihi shamiyyin. Et ça, tout ce qu'on vient de mentionner, c'est Cheikh Sam Temia. C'est pour ça que c'est pertinent, regardez. Ibn Asaymin, dans le Qawaid, il a mentionné une partie de la parole de Cheikh Sam Temia. Sauf que si vous regardez dommagement la fatawa, il n'a pas tout mentionné, mashallah. Mais si vous regardez, c'est plus long. Cheikh Sam Temia, dans le dommagement la fatawa, il a détaillé. C'est ça ce qu'on vient de lire. Il a mentionné les deux chaînes de transmission. Les deux chaînes de transmission. Et donc, ensuite, il est dit que tafarrada biha, et il est le seul, Al-Walid ibn Muslim, à rapporter cela. Taïm. Parmi les choses qu'on peut rajouter, qu'on va bien détailler demain, parce que ça demande du temps, on va rentrer, Inch'Allah, filam al-Hadith. Donc demain, on va remettre cela, Inch'Allah, à demain. Mais on va expliquer aussi que les spécialistes nous ont dit par rapport à ce hadith, il y a ce qu'on appelle al-tirab. Al-tirab, comme on va l'expliquer demain, il y a le fait qu'aussi le rapporteur faisait du tadlis. Il faisait partie de ceux qui faisaient du tadlis. Kama qala wa tadlis ou tadlis ou anwa'un. Minha ma ya'tamidu ala husni dhannihi bil rawi fa yahdifu wa yantaqiu ila shaykh rawi alladhi rawa anhu wa huwa bi lafdin yahtamilu al-liqa wa adamahu fayuhim. مثال ذلك Ensuite, il va mentionner le misal. Tout cela, on l'a lu hier. Tout ce bahth, on l'a lu hier. Sauf que, comme on avait promis hier qu'on allait le traduire, aujourd'hui, on n'a pas fait aussi. Donc, on va essayer de remettre ça demain. On va remettre l'explication demain. Puisque je voulais bien qu'on détaille la question de, déjà du nombre des noms et des attributs. Maintenant, on va détailler la question de ce hadith pour voir vraiment la cause. Pourquoi ce hadith ou qu'il y a ta'in ? Ou qu'il y a ta'in ? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas authentique chez les savants ? Et de, alhamdoulilah, de bien développer la question pour nous-mêmes avoir à vraiment être sur une science certaine. Ensuite, on prendra, mashallah, la liste qu'a donnée Hicham al-Uthaymeen. Comme il va dire ensuite, après ce bath-là, cette recherche-là, si regardez ce qu'il va dire, وَقَدْ جَمَعَتُ تِسَعَةً وَتِسَعِينَ إِسْمًا مِمَّا ظَهَرَ لِي مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et c'est là qu'il dit, en fait, qu'ensuite il va chercher. Il va ajma'. C'est pour cela qu'il dit que il y a une faïda en réalité. Le fait qu'on, donc, on en, après qu'on va apprendre, donc, que le hadith, il est pas authentique, c'est qu'on n'en a pas la connaissance. Pourquoi le prophète n'a pas, donc, si c'est pas authentique, c'est pas rapporté de manière authentique de lui, qu'il a déterminé les 99 noms. Pourquoi? Cheikh, il nous a expliqué, comme on l'a appris hier, que c'est un test pour les croyants. Comme ça, celui qui est vraiment désireux de les apprendre, il va les chercher. Il va les chercher. Comme Laylat al-Qadr. Celui qui veut Laylat al-Qadr, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit la chercher pendant le mois du Ramadan. Comme l'heure, on avait dit, Fiyom al-Jumu'ah. Il y a une heure où les invocations sont à exaucer. Certains savants disent, c'est lorsque l'imam il est sur le Yassaud plutôt, Al-Minbar, il a khili, ou bien une heure avant Ghurub al-Shams, le coucher du soleil, Al-Muhim, le croyant il va chercher pour avoir ce moment-là. De la même manière, comme on l'a expliqué dans la dernière assise. Donc, Nettafi Bihad al-Qadr, Inch'Allah, et demain on détaillera bien la question de ce hadith, Inch'Allah, Wallahu A'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وآلي وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم